Prenons parti, mon âme, en de telles disgrâces. Soyons femmes de race ou sœurs des curiaces. Cessons de partager nos inutiles soins. Souhaitons quelque chose et craignons un peu moins. Mais, las, quel parti prendre en un sort si contraire? Quel ennemi choisir d'un époux ou d'un frère? La nature ou l'amour parle pour chacun d'eux, et la loi du devoir m'attache à tous les deux. Sur leurs hauts sentiments, réglons plutôt les nôtres. Soyons femmes de l'un ensemble et sœurs des autres. Regardons leur honneur comme un souverain bien. Imitons leur constance et ne craignons plus rien. La mort qui les menace est une mort si belle qu'il en faut sans frayeur attendre la nouvelle. N'appelons point alors les destins inhumains. Songeons pour quelle cause et non par quelle main. Revoyons les vainqueurs sans penser qu'à la gloire que toute leur maison reçoit de leur victoire et sans considérer aux dépens de quel sang leur vertu les élève en cet illustre rang. Faisons nos intérêts de ceux de leur famille. En l'une je suis femme, en l'autre je suis fille et tiens à toutes deux par de si forts liens qu'on ne peut triompher que par les bras des miens. Fortune, quelques mots que ta rigueur m'envoie, j'ai trouvé les moyens d'en tirer de la joie et puis voir aujourd'hui le combat sans terreur, les morts sans désespoir, les vainqueurs sans horreur. Flatteuse illusion, erreur douce et grossière, vain effort de mon âme, impuissante lumière de qui le faux brillant prend droit de m'éblouir, que tu sais peu durer et tôt t'évanouir. Pareil à ces éclairs qui dans le fort des ombres poussent un jour qui fuit et rend les nuits plus sombres, tu n'as frappé mes yeux d'un moment de clarté que pour les abîmer dans plus d'obscurité. Tu charmais trop ma peine. Et le ciel qui s'en fâche me vend déjà bien cher ce moment de relâche. Je sens mon triste cœur percé de tous les coups qui m'ôtent maintenant un frère ou mon époux. Quand je songe à leur mort, quoi que je me propose, je songe par quel bras et non pour quelle cause, et ne vois les vainqueurs en leur illustre rang que pour considérer aux dépens de quel sang. La maison des vaincus touche seule mon âme. En l'une je suis fille, en l'autre je suis femme, et tiens à toutes deux par de si forts liens qu'on ne peut triompher que par la mort des miens. C'est là donc cette paix que j'ai tant souhaitée. Trop favorable Dieu, vous m'avez écouté. Quelle foudre lancez-vous quand vous vous irritez, si même vos faveurs ont tant de cruauté? Et de quelle façon punissez-vous l'offense, si vous traitez ainsi les vœux de l'innocence? En est-ce fait, Julie, que m'apportez-vous? Est-ce la mort d'un frère ou celle d'un époux? Le funeste succès de leurs armes impies, de tous les combattants, a-t-il fait des hosties? Et m'enviant l'horreur que j'aurais des vainqueurs, pour tous tant qu'ils étaient, demande-t-il mes pleurs? Quoi, ce qui s'est passé, vous l'ignorez encore? Vous faut-il étonner de ce que je l'ignore? Et ne savez-vous point que de cette maison, pour Camille et pour moi, l'on fait une prison? Julie, on nous renferme, on a peur de nos larmes. Sans cela, nous serions au milieu de leurs armes. Et par les désespoirs d'une chaste amitié, nous aurions des deux camps tiré quelque pitié. Il n'était pas besoin d'un si tendre spectacle. Leur vue et leur combat apportent assez d'obstacles. Sitôt qu'ils ont paru, prêts à se mesurer, on a dans les deux camps entendu murmurer. Avoir de tels amis, des personnes si proches, venir pour leur patrie ou mortelles approches, l'un s'émeut de pitié, l'autre est saisi d'horreur. L'autre d'un si grand zèle admire la fureur. Telle porte jusqu'aux cieux leur vertu sans égale, et telle l'ose nommer sacrilège et brutal. Ces divers sentiments n'ont pourtant qu'une voix. Tous accusent leur chef, tous détestent leur choix, et ne pouvant souffrir un combat si barbare, on s'écrie, on s'avance, enfin, on les sépare. que je vous dois dansant, grand Dieu qui m'exaucez. Vous n'êtes pas Sabine encore, vous pensez. Vous pouvez espérer, vous avez moins à craindre, mais il vous reste encore assez de quoi vous plaindre. En vain d'un sort si triste on les veut garantir. Ces cruels généreux n'y peuvent consentir. La gloire de ce choix leur est si précieuse et charme tellement leur âme ambitieuse qu'alors qu'on les déplore, ils s'estiment heureux et prennent pour affront la pitié qu'on a d'eux. Le trouble des deux camps souille leur renommée. Ils combattront plutôt, et l'une et l'autre armée, et mourront par les mains qui leur font d'autres lois, que pas un d'eux renonce aux honneurs d'un tel choix. Quoi ? Dans leur dureté, ces cœurs d'acier s'obstinent ? Oui, mais d'autre côté, les deux camps se mutinent, et leurs cris des deux parts, poussés en même temps, demandent la bataille ou d'autres combattants. La présence des chefs à peine est respectée, leur pouvoir est douteux, leur voix mal écoutée. Le roi même s'étonne, et pour dernier effort, puisque chacun, dit-il, s'échauffe en ce discord, consultons des grands dieux la majesté sacrée, et voyons si ce change à leur bonté agré. Quel impie osera se prendre à leur vouloir, lorsqu'en un sacrifice ils nous l'auront fait voir? Il se tait, et ses mots semblent être des chars. Même aux six combattants, ils arrachent les armes. Et ce désir d'honneur qui leur ferme les yeux, tout aveugle qu'il est, respecte encore les dieux. Leur plus bouillante ardeur cède à l'avis de Tulle. Et soit par déférence ou par un prompt scrupule, dans l'une et l'autre armée, on s'en fait une loi, comme si toutes deux le connaissaient pour roi. Le reste s'apprendra par la mort des victimes. Les dieux n'avoueront point un combat plein de crimes. J'en espère beaucoup, puisqu'il est différé, et je commence à voir ce que j'ai désiré. Ma sœur, que je vous dis une bonne nouvelle. Je pense la savoir, s'il faut la nommer telle. On l'a dit à mon père, et j'étais avec lui. Mais je n'en conçois rien qui flatte mon ennui. Ce délai de nos maux rendra leur coup plus rude. Ce n'est qu'un plus long terme à nos inquiétudes. Et tout l'allègement qu'il en faut espérer, c'est de pleurer plus tard ce qu'il faudra pleurer. Les dieux n'ont pas en vain inspiré ce tumulte. Disons plutôt, ma sœur, qu'en vain on les consulte. Ces mêmes dieux, à Tulle, ont inspiré ce choix. Et la voix du public n'est pas toujours leur voix. Ils descendent bien moins dans de si bas étages que dans l'âme des rois, leurs vivantes images, de qui l'indépendante et sainte autorité est un rayon secret de leur divinité. C'est vouloir sans raison vous former des obstacles que de chercher leur voix ailleurs qu'en leurs oracles. Et vous ne vous pouvez figurer tout perdu sans démentir celui qui vous fut hier rendu. Un oracle jamais ne se laisse comprendre. On l'entend d'autant moins que plus on croit l'entendre. Et loin de s'assurer sur un pareil arrêt, qui n'y voit rien d'obscur, doit croire que tout l'est. Sur ce qui fait pour nous, prenons plus d'assurance et souffrons les douceurs d'une juste espérance. Quand la faveur du ciel ouvre à demi ses bras, qui ne s'en promet rien, ne la mérite pas. Il empêche souvent qu'elle ne se déploie, et lorsqu'elle descend, son refus la renvoie. Le ciel agit sans nous en ces événements, et ne les règle point dessus nos sentiments. Il ne vous a fait peur que pour vous faire grâce. Adieu. Je vais savoir comment enfin tout se passe. Modérez vos frayeurs. J'espère, à mon retour, ne vous entretenir que de propos d'amour et que nous n'emploierons la fin de la journée qu'aux doux préparatifs d'un heureux hyménée. J'ose encore l'espérer. Moi, je n'espère rien. L'effet vous fera voir que nous en jugeons bien.